Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. M'ap montre ou bagay sa yo, se pou di m kote yo yo ye. M'ap montre ou bagay sa yo, se pou di m kote yo yo ye. Montrez-moi où est l'enveloppe. Ki kote enveloppe la ye? Ki kote enveloppe la ye? Montrez-moi où est la clé. Ki kote ou est clé ya? Ki kote ou est clé ya? Montrez-moi où est le rasoir. Ki kote ou est rasoir? Ki kote ou est rasoir? Montrez-moi où est le verre. Ki bord ou est veille? Ki bord ou est veille? Montrez-moi où est le crayon. Koto ou est crayon? Koto ou est crayon? Montrez-moi où est le téléphone. Ki bo téléphone nan ye? Ki bo téléphone nan ye? Montrez-moi où est la montre. Ki kote ou est montre la? Ki kote ou est montre la? Montrez-moi où sont les ciseaux. Kote ou est ciseaux yo? Kote ou est ciseaux yo? Montrez-moi où est le peigne. Ki kote ou est peigne la? Ki kote ou est peigne la? Montrez-moi où sont les lunettes. Ki kote ou est lunettes la? Ki kote ou est lunettes la?